Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Il y a sans doute une fédée quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Little Rock, 9 lycéens noirs contre la ségrégation. En septembre 1957, dans la capitale de l'État de l'Arkansas, peuplée de 100 000 habitants, noirs et blancs vivent séparés. Une ségrégation traditionnelle, totalement assumée, dans un Sud qui ne s'est toujours pas remis de la défaite de la guerre de sécession et de l'abolition de l'esclavage. Mais c'était sans compter sur le combat pour les droits civiques qui commence à faire rage. Alors qu'un plan de ségrégation progressif est mis en place à Little Rock, le 4 septembre, 9 élèves noirs font leur rentrée scolaire dans Central High, magnifique lycée, réservé aux élèves blancs. L'Amérique affiche alors son visage le plus sombre. Violemment pris à partie, empêché d'entrer dans l'établissement par des soldats dépêchés spécialement par le gouverneur de l'État, conspué par une foule haineuse, les 9 adolescents sont contraints de faire demi-tour. Ces images, qui rappellent les sordides lynchages de Noirs encouragés par le Ku Klux Klan, font le tour du monde. S'ensuit une bataille de plusieurs semaines entre l'État sudiste et le pouvoir fédéral du président Eisenhower pour que ces élèves noirs puissent enfin s'asseoir dans la même salle de classe que des lycéens blancs, car pour Washington, il y va aussi de l'image de l'Amérique qui, en pleine guerre froide, se veut le camp du bien et de la liberté. Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis, enseignant à Sciences Po Paris et auteur du livre intitulé Little Rock 1957, paru en 2018 aux éditions Talendier. C'est d'ailleurs le seul ouvrage en français sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Le 27 mai 1958, quelque part dans les quartiers noirs de Little Rock, ville du Sud plantée au milieu de l'Arkansas. Accoudé sur la rambarde du porche de sa maisonnette, couverte de lambris blanc, Ernest Green, 16 ans, est anxieux. Pour une fois, il ne fait pas honneur à la sérénité sans faille qui le caractérise. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Ernest a rendez-vous avec l'histoire. La veille, il a fait signer à ses camarades du lycée de Central High son yearbook, ce livre qui contient les portraits de toute la promotion des élèves de terminale, vestiges poussiéreux et insignifiants pour les adultes, précieux pour les plus jeunes qui se plaisent à y griffonner des mots doux. À l'aube de l'été, règne une ambiance de fin d'école. On se promet entre ados de ne jamais s'oublier et on y croit dur comme fer. Il se trouve qu'Ernest Green sera le premier élève noir diplômé du lycée Central High, réservé aux élèves blancs, il y a à peine 8 mois encore. Le voilà, son rendez-vous avec l'histoire. Construit dans les années 30, l'établissement scolaire, monumental et gothique, est reconnu comme le plus cher et le plus grand de l'État. Central High et ses équipements ont fait longtemps de l'œil à Ernie quand il passait devant chaque jour, perché sur son vélo pour se rendre dans son lycée, réservé celui-là au noir, Dunbar High School, beaucoup moins majestueux et tellement plus insalubre. Pour cette remise de diplôme si particulière dans un sud raciste, 120 soldats de la garde nationale ont été mobilisés pour s'assurer qu'Ernest Green, cap noir et chapeau plat vissé sur la tête, puisse défiler dans le stade Quigley Stadium sans danger, aux côtés des 600 autres élèves de terminale, tous blancs. Assis aux côtés de sa mère, dans le stade, un pasteur noir, oui, un certain Martin Luther King, qui lui signera un chèque de $15 pour le récompenser de son courage. Le jour J, au micro d'un journaliste dépêché pour l'occasion, Ernest Green, en chemise blanche à manches courtes pour célébrer des vacances bien méritées, revient sur cette année scolaire si spéciale, l'année des 9 de Little Rock. Ernest, à quoi a ressemblé cette année? Depuis le début, c'est pas à quoi on s'attendait vraiment. Mais, quoi qu'il en soit, en mettant bout à bout tout ce qui est arrivé, en prenant en compte toutes les parties, je dirais que ça a été, eh bien, je dirais une année intéressante. Je pense que ce serait un euphémisme, mais quand on en rassemble tous les morceaux, nous avons passé de bons moments et des moments très difficiles. Et je pense que ça a bien fonctionné. Un euphémisme, oui, jolie formule pour cacher l'horreur. Tous âgés de 14 à 16 ans, ces trois garçons et ces six filles, The Nine, viennent de vivre une année d'enfer, ponctuée de harcèlement quotidien physique et verbaux de la part d'élèves, mais aussi d'adultes. Le crime des neuf, s'être inscrit dans un lycée pour blancs. Dans les 50s, au sud des États-Unis, la ségrégation est une fierté territoriale. Depuis la fin de la guerre de sécession, rancuniers et chauvins, les gouverneurs des États Sud rivalisent d'ingéniosité pour faire passer des amendements toujours plus racistes. Et tant pis pour la Constitution américaine. Noirs et blancs vivent dans des univers séparés. Chacun ses quartiers, ses transports, ses écoles. Et si ça ne suffit pas, c'est la violence qui prend la relève, comme en témoignent de nombreux lynchages plus sordides les uns que les autres. Mais le 17 mai 1954, une tempête ravage le paradis blanc des sudistes. L'arrêt Brown de la Cour suprême. Sale coup pour eux, cette N2ACP, qu'on peut traduire par Association nationale pour la promotion des gens de couleur, qui a réussi à donner un coup mortel à la ségrégation dans les écoles. La séparation des élèves noirs et blancs est désormais inconstitutionnelle. Victoire pour les défenseurs des droits civiques, échec cuisant chez les fans du drapeau confédéré. Dans l'Arkansas, un an après l'Arrêt Brown, en mai 55, le surintendant des écoles, Virgil Blossom, fait voter à l'unanimité au Conseil des écoles un plan à long terme d'intégration scolaire. Le premier lycée à intégrer des élèves noirs sera le Gothic Central High. Alors, la présidente du N2ACP en Arkansas, l'indomptable Daisy Bates, s'engouffre dans la brèche et propose les candidatures de 9 élèves. 7 ans après les faits, dans le documentaire récompensé d'un Oscar, Nine from Little Rock, de Charles Guggenheim, Jefferson Thomas, l'un des 9, énumère solennel le nom de ses compagnons. We were Terence Roberts, Thelma Mothershed, Elizabeth Eckford, Ernest Green, Carlotta Walls, Melba Patillo, Minnie Jean Brown and Gloria Ray. And we were going to school again. Il est clair que ces 9 élèves noirs ne seront pas accueillis à bras ouverts. Des parents d'élèves dénoncent une probable baisse du niveau de l'établissement si des noirs y suivent les cours. D'autres craignent des violences, inquiétudes, racisme rampant. Le 2 septembre 57, en cette veille de rentrée pas comme les autres, sous un soleil de plomb, la rumeur enfle dans les rues de Little Rock et jusque dans celles des quartiers noirs, non goudronnés, ceux-là. Le gouverneur de l'Arkansas, Orval Faubus, 47 ans, cheveux gominés bien tirés sur les tempes, va prendre la parole. Ce soir-là, alors que les 9 appréhendent la rentrée du lendemain matin, ils sont, comme toute la ville, littéralement suspendus à leur écran de télé. Et le gouverneur apparaît devant le drapeau de l'Arkansas. Nous devons faire face à un problème bien différent. L'intégration forcée des écoles publiques de Little Rock contre le sentiment général des habitants de la ville. Toutes les preuves sont réunies. Tenter d'intégrer par la force ne conduira qu'au désordre et à la violence. Un contrôle réalisé par la police a montré qu'un nombre anormalement élevé d'armes a été vendu à Little Rock et aux alentours. Le contrôle révèle que certains magasins ont vendu tout leur stock de couteaux. Ces armes ont été vendues à des jeunes noirs, mais aussi à des jeunes blancs. J'ai donc, conformément aux responsabilités solennelles et au serment de mon bureau, souscrit au principe suivant. Des unités de la garde nationale ont été et sont maintenant mobilisées avec la mission de maintenir ou de rétablir la paix et le bon ordre de cette communauté. Des unités avancées sont déjà en service sur le terrain du lycée central. Sentiment étrange chez Rani, Melba, Billie Jean et les autres. Leur sécurité sera garantie. Très bien. Mais cette rentrée est-elle si dangereuse qu'il faille venir des hommes armés? Dans chacune des maisons des 9, l'atmosphère silencieuse d'incompréhension est vite perturbée par la sonnerie du téléphone. Oui, un flux continu d'appels anonymes. Au bout du fil, des menaces de mort à destination des futurs élèves noirs de Central High. Une ambiance qui repousse la rentrée au surlendemain. Décision du superintendant des écoles, fervent défenseur de l'intégration, Virgil Blossom. Dans la nuit du 4 septembre, Daisy Bates, la militante pour les droits civiques et bonne fée des neufs, appelle la police qui lui promet une escorte. Elle sera demain avec les enfants à l'angle de la 12e rue et de Park Avenue à 8h30, accompagnée de pasteurs. Les racistes n'oseront pas s'en prendre à des hommes d'église, tout de même. À 2h30 du matin, Daisy prévient tous les parents de l'heure du rendez-vous. Tous sauf ceux de la pauvre Elizabeth Eckford, car chez les Eckford, il n'y a pas le téléphone. Quelques heures plus tôt, cette ado, 15 ans, un brin anxieuse, repasse une dernière fois la jupe qu'elle s'est confectionnée cet été pour sa rentrée à Central High. Soigneuse, elle la dépose sur sa chaise à côté de sa paire de chaussettes Bobby au revers dentelle et de ses mocassins bleus au cuir rigide. Après une nuit agitée, stress de la rentrée oblige, c'est donc le grand jour pour Elizabeth qui, rappelons-le, n'a pas été alertée la veille par Daisy Bates qu'elle ne doit pas se rendre seule à Central High. Un trajet de bus. 15 minutes plus tard, elle arrive au coin de la 12e et de Park Avenue. Ce quartier, elle le connaît comme sa poche. Son grand-père y tient un magasin. Elle se sent immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Les voitures sont nombreuses, trop. Et puis, elle aperçoit les militaires, leur jeep au loin, et elle entend surtout le bruit d'une foule. Les jambes tremblantes, Elizabeth se rapproche du cordon de militaires qui entoure la bâtisse de Central High. 2, 4, 6, 8, we don't wanna immigrate! 2, 4, 6, 8, we don't wanna immigrate! 2, 4, 6, 8, we don't wanna immigrate! 2, 4, 6, 8, nous ne voulons pas l'intégration. Enragés, les 300 manifestants blancs plantés devant le lycée se retournent vers la jeune fille. Un cri de fureur scinde la foule. Les nègres arrivent. Confiante, Elizabeth s'approche des hommes en khaki. Mais alors qu'ils laissent passer les blancs pour entrer dans le lycée, ils resserrent leurs fusils quand la jeune fille s'approche. L'accès à Central High lui est interdit. Suivie par une foule qui éructe, Elizabeth fait demi-tour, les mains crispées sur son livre, les yeux embués de larmes dissimulées derrière ses lunettes teintées. Encerclée par la haine, elle reste impassible et silencieuse, là, sur le banc de l'arrêt de bus qui doit la ramener chez elle, les mains sur sa jupe blanche et étincelante. Le journaliste Robert Schnake, dépêché de New York, lui tend son micro. Elle ne répond pas, stoïque. Peux-tu me dire ton nom, s'il te plaît? Vas-tu aller à l'école ici à Central High? Tu ne veux rien dire, c'est bien cela? Cette fille ici est la première élève noire apparemment en âge de se montrer devant le lycée Central High, alors que la Cour fédérale a ordonné la désintégration. Elle a été suivie par une foule en colère, chacun d'entre eux lui criant dessus. 2, 4, 6, 8, we don't wanna immigrate! Pendant ce temps, Ernest, Gloria, Jefferson, Terence, Melba, Thelma, Carlotta et Mellie Jean se mettent en route sous l'aile protectrice de Daisy Bates. Leur calme, alors qu'ils font la foule, jure avec l'hystérie des manifestants. Les neufs se heurtent au visage fermé des soldats de la garde nationale qui leur bloquent eux aussi l'entrée du lycée. Ordre du gouverneur Faubus. Ceux qui devaient protéger leur intégration à Central High et assurer leur sécurité les jettent dans la gueule du loup. Une foule hargneuse qui fait bloc. Alors, demi-tour, rendez-vous chez les Bates. L'événement qui ressemble à un fait divers d'un autre âge fait rapidement le tour du pays et du globe. En cause, une photo, oui, une image, qui marque et qui résume une époque. Sur ce cliché en noir et blanc, capturé par le photographe de presse Will Counts, on aperçoit au premier plan Elizabeth Eckford dans ses habits éclatants de rentrée, le bras droit contracté sur son manuel scolaire. Et derrière elle, une lycéenne blanche, Hazel Bryan, la bouche tordue par la haine. Les neufs de Little Rock se retrouvent les jours suivants chez Daisy Bates avant une nouvelle tentative de rentrée. Elle les reçoit dans son salon au rez-de-chaussée, une pièce à vivre qui se mue en quartier général, où chaque matin se noue une nouvelle stratégie, un nouveau plan d'attaque. Les défilés incessants de militants de droits civiques et de journalistes n'empêchent pas les élèves studieux de rattraper les leçons qu'ils ratent depuis plusieurs jours. Découvre que la principale adjointe de Central High, Miss Huckabee, prend soin de leur envoyer et que Miss Bates se presse de leur faire réciter. Bref, Des liens très forts se tissent entre les neuf, devenus symboles d'une lutte pour les droits civiques, mais qui n'en reste pas moins de jeunes gens coincés dans ce temps hors du temps. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Avec la diffusion de la photo de Will Carnes dans la presse, le regard des militants de droits civiques se tourne vers la Maison Blanche et le président des États-Unis, à l'époque le républicain Eisenhower. C'est à Newport, sur le parcours de golf de sa résidence secondaire en bord de mer, que le 34e président des États-Unis est averti que le gouverneur Faubus souhaite une audience le plus rapidement possible. 14 septembre 1957. Au bord de l'océan Atlantique, la résidence secondaire du président des États-Unis fait face au vent d'automne de la côte. Mais à l'intérieur de la bâtisse, une tempête, politique celle-là, oppose la souveraineté des États d'Amérique face au pouvoir fédéral. Éternel débat. Et le gouverneur Faubus débarque pour sa rencontre avec le président. Une rencontre annoncée depuis plusieurs jours par la presse américaine à grands coups de titres ronflants. Face à Eisenhower, l'insolent Faubus s'écrase. Le président est catégorique. Plutôt que d'empêcher l'entrée des élèves noirs, la garde nationale devra les aider à y pénétrer, oui, et dans le calme, en sécurité, et ce, immédiatement. Faubus repart, dépité. Mais pas obéissant. Immédiatement, il se dit que si le président lui a refusé un délai pour accepter les noirs, eh bien, il va le décréter lui-même, ce délai. Pendant ce temps, dans les quartiers noirs de la capitale de l'Arkansas, c'est Daisy Bates, les militants de la NAACP continuent de croire à l'intégration à Central High. Face à la sacro-sainte constitution, le gouverneur récalcitrant va bien finir par céder. Le 20 septembre, le soir même, Faubus affirme qu'il ordonne le retrait de la garde devant le lycée, mais qu'il craint un bain de sang. Dans le quotidien La Croix du 25 septembre 1957, le correspondant dépêché pour l'occasion raconte cette nouvelle tentative de rentrée du 23 septembre et les manifestations racistes qui l'ont marquée, traumatisante. La manifestation qui s'est produite a donné lieu à de véritables scènes d'hystérie collective. La foule s'était tenue tranquille derrière les barricades élevées par les policiers jusqu'au moment où une femme, apercevant un groupe de 5 noirs, se mit à hurler. « Les négros arrivent !» Il ne s'agissait en fait que de journalistes noirs qui opèrent à la façon d'un groupe de diversion. Préparée à l'avance ou pas, cette diversion réussit parfaitement. Pendant que la foule entourait les journalistes, les étudiants noirs entraient tranquillement dans le lycée par une porte de côté. La mêlée fit rage du côté du groupe de diversion. Un journaliste noir, parfaitement reconnaissable à sa carte professionnelle, passée sous la bande de son chapeau et à son appareil photographique, fut jeté à terre à plusieurs reprises et violemment frappé à coups de pied. Dans les locaux du lycée où les neuf ont enfin réussi à entrer par une porte dérobée, l'ambiance est aussi nauséabonde qu'à l'extérieur. Rien à voir en tout cas avec le cocon qu'est le salon de Daisy Bates. Assis derrière leurs bureaux, tous séparés dans des classes différentes, les slogans racistes de l'extérieur traversent les fenêtres et se fraient un chemin entre les rangées de tables. Un brouhaha haineux qui se mêle aux comptines sordides murmurées par les élèves blancs. Quand sonne la deuxième heure de cours, des policiers viennent les chercher. Ils doivent rentrer chez eux. La foule est incontrôlable. Il est à peine 11h du matin, ce 23 septembre. La rentrée vient de s'achever pour Ernest Green, Elizabeth Eckford et les autres. Prévenu par le maire de Little Rock des violences de la matinée, Eisenhower prend une décision radicale et hors norme. Il fédéralise la garde nationale de l'Arkansas. Cet acte rarissime lui permet de mobiliser les forces militaires pour faire appliquer la Constitution. Et pour en ajouter une couche, il ordonne l'envoi d'un millier de soldats de la 101e division aéroportée de l'armée américaine. Comme ça, c'est clair. Les neuf feront leur rentrée, n'en déplaise au gouverneur. Le lendemain, 24 septembre à 20h, le président Eisenhower prend la parole. Ernest Green, sa mère, son petit frère et sa sœur sont scotchés à leur écran de télé. Pour faire ce communiqué, je suis venu au bureau du président, à la Maison Blanche. J'aurais pu parler de Rhode Island, où je séjourne depuis peu. Mais j'ai senti qu'en parlant de la maison de Lincoln, de Jackson et de Wilson, mes paroles traduiraient mieux la tristesse que j'éprouve. L'action que je décide de mener aujourd'hui et la fermeté avec laquelle je compte poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que les ordonnances de la Cour fédérale à Little Rock puissent être exécutées sans intervention illégale. Dans cette ville, sous la direction d'extrémistes démagogiques, des groupes désordonnés ont délibérément empêché l'exécution des ordres de la Cour fédérale. Ce matin, la foule s'est à nouveau réunie devant le lycée central de Little Rock, dans le but évidemment d'empêcher à nouveau l'exécution de l'ordonnance de la Cour relative à l'admission d'enfants noirs dans cette école. Le 25 septembre 1957 au matin, Ernest Green est réveillé par sa mère. Aujourd'hui, il retourne pour la troisième fois à Central High. Après deux essais de rentrer d'une réelle violence psychologique, Ernie a la gorge serrée. Ce matin-là résonne comme un air de déjà-vu. Les neuf se retrouvent au rez-de-chaussée de la maison des Bates, autour de la grande table en bois. Au loin, Ernie entend crisser les pneus des jeeps de la garde nationale. Leur escorte armée arrive et les suivra jusque dans les salles de cours. La journée passe. Les cours à l'ombre des soldats s'enchaînent. À la place de la traditionnelle sonnerie, le bruit de l'hélicoptère des aigles hurlant, surnom des soldats de la 101e, achève ce premier jour complet de cours pour les neufs. Petite victoire pour les défenseurs des droits civiques contre gigantesque humiliation dans le clan Phobus. La bien-pensance progressiste du Nord veut s'imposer par la force dans le Sud, pense-t-on chez les braves gens. Le soir du 26 septembre, l'œil morne, drapeau américain à sa droite, celui de l'Arkansas à sa gauche, comme l'exige le protocole, le gouverneur Phobus s'exprime sur la chaîne de télévision locale. Mes chers concitoyens, nous sommes dorénavant un territoire occupé. Les preuves de la violence des forces fédérales sont désormais visibles dans l'utilisation des baïonnettes pointées dans le dos d'écolières et dans le dos d'étudiants. Au nom de Dieu, auquel nous nous référons tous, au nom de la liberté qui nous est si chère, au nom de la descendance que nous chérissons tous, que se passe-t-il en Amérique ? En s'imposant dans l'Arkansas, la tactique d'Eisenhower répond en fait à plusieurs impératifs. Le président veut à tout prix éviter que le cas Little Rock ne fasse tache d'huile et se propage dans les autres États du Sud à vif, hostiles à l'intégration. Mais le président cherche surtout à régler efficacement un gros problème d'image. Il faut couper court à l'exploitation par le camp communiste des manifestations violentes des Blancs de Little Rock. Il faut dire que côté URSS, on s'en donne à cœur joie pour moquer le pays de l'oncle Sam censé incarner le progrès. La réponse anti-intégration de Phobos, elle, galvanise sa meute. Les manifestations blanches se prolongent, les crachats, les insultes, les appels anonymes se font plus intenses. Les soldats continuent d'escorter les neufs, mais ne peuvent pas leur éviter les humiliations dans les recoins des vestiaires ou dans la pénombre d'un couloir. Alors, les neufs ne bronchent pas. Lors d'une conférence de presse donnée chez les Bates, lors de Thanksgiving, ils expriment chacun leur tour leur reconnaissance. Tradition de la fête des Pilgrim Fathers. Je m'appelle Gloria Ray. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de réaliser mes souhaits d'études et d'être citoyenne dans un pays où le gouvernement fédéral respecte et protège les droits de tous les citoyens. Mon nom est Terence Roberts. Je suis un adventiste du septième jour. Et je voudrais dire que les communistes aiment profiter de situations comme celle-ci pour influencer les esprits du monde. Mais je suis reconnaissant qu'en Amérique, leurs actions soient combattues grâce aux efforts de nombreux citoyens soucieux de la démocratie. Dans Little Rock, les rumeurs les plus folles enflent dans les foyers blancs chuchotés à la sortie des écoles par des parents apeurés. Une ancienne élève, par exemple, raconte qu'en rendant visite à une amie dans le lycée, elle a vu les militaires en train de reluquer les jeunes filles dans les vestiaires. Les parents ségrégationnistes s'indignent. Mais Washington dément immédiatement ces ragots que Phobos n'hésite pas à propager, bien sûr. Des parents racistes qui encouragent leurs enfants au harcèlement. Du jamais vu. À la sortie du lycée, en avril 58, deux élèves de Central High sont interviewés par un journaliste. Et en second plan, les militaires veillent. Vous pensez que vous allez vous habituer à aller à l'école avec des élèves de couleur ? Oui, monsieur. Oui, je pense que oui. Nous devons le faire et nous nous habituerons. Que pensez-vous de ça ? Pensez-vous que les problèmes viennent des élèves de Little Rock, des parents ou d'acteurs extérieurs ? D'où viennent les problèmes ? Je pense que c'est les parents. Je l'ai vu. J'ai vu cette foule hurler « Frappe ce nègre ». Et tu ne sympathises pas avec ce genre d'action ? Non, monsieur. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que ces gens ne sont carrément pas des Américains. Je pense que c'est la chose la plus terrible qu'on ait pu voir aux États-Unis. J'imagine que ça va faire un peu patriotique, mais j'ai toujours cru que tous les humains ont été créés égaux. Un exemple de tolérance loin d'être la norme à Central High. Entraîné par une Daisy Bates acharnée et adepte de la non-violence, jour après jour, Ernie garde son sang-froid, serre les dents, ne répond pas. Il fait ça pour les autres, car il est né des neufs. Il n'a pas eu le droit, comme ses amis, de rejoindre la chorale ou les clubs de sport collectifs, mais peu importe, il sortira de Central High diplômé. Quand d'autres élèves jettent du verre pilé sur le carrelage de la douche après un cours de sport, là aussi, Ernest reste silencieux. Idem quand Samidine, une pin beige blonde, fille de ségrégationniste pure souche, tente de le séduire à la cantine pour l'accuser ensuite de harcèlement, eh bien, il ne la regarde même pas, il ne pose pas son regard sur elle. Les humiliations se font de plus en plus pernicieuses, comme le raconte Melba Patillo dans ses mémoires Warriors Don't Cry, traduisé « Les combattants ne pleurent pas », publié en 1995. Peu de temps avant la fin de la journée d'école, je suis entrée dans les toilettes du lycée faiblement éclairées. Les trois filles debout près de la porte semblaient m'ignorer. Leurs salutations passives, silencieuses et presque agréables me mettaient mal à l'aise. Une fois à l'intérieur de la cabine de toilette, j'étais encore plus alarmée par tout le mouvement, les pieds qui tremblaient, les voix qui chuchotaient. « Bombardez !» cria quelqu'un au-dessus de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu une feuille de papier enflammée venir sur moi. Le papier en feu a flotté pour atterrir sur mes cheveux et mes épaules. Quelqu'un ou plusieurs personnes bloquaient la porte. J'étais piégée. Tu ne pensais tout de même pas que nous allions laisser les nègres utiliser nos toilettes ? On va te brûler vive, hurla une voix à travers la porte. Il ne restera tellement plus rien de toi que tu n'auras plus d'importance. Melba s'en tirera. Mais ainsi de comptines racistes, en tentative, en tout cas, tentative de meurtre. Toute une année scolaire s'écoule. Les soldats n'accompagnent plus les neufs qui doivent lutter, livrés à eux-mêmes et qui ne courbent pas les chines. Le 27 mai 1958, Ernest Green devient le premier élève noir diplômé de Central High. Mais en cette fin d'année scolaire, l'ineffable gouverneur Orval Faubus n'a pas dit son dernier mot. Dès le mois d'août, avec acharnement, il étudie tous les arrêts possibles pour contourner la Constitution et refaire de Central High un lycée destiné aux seuls élèves blancs. Sa carte secrète, un référendum. En promettant l'inscription gratuite des élèves blancs dans les écoles privées, il obtient la fermeture des écoles municipales. Pour préserver la paix, prévenir le désordre et la violence, et conserver auprès des citoyens de notre État le droit basique de contrôler nos propres affaires à travers le processus démocratique, je recommande la mesure suivante. La mesure qui permet la fermeture de nos écoles. En Arkansas, c'est l'année qu'on appelle « the lost year », l'année perdue. Pendant toute l'année scolaire, 58-59, les écoles publiques sont donc fermées. 3365 élèves n'ont pas pu se rendre en classe. Ce n'est qu'en 59 que ces établissements rouvriront leurs portes sous l'injonction du tribunal fédéral. Gros coup de publicité, en tout cas pour Orval Faubus, réélu en novembre 58 et qui restera à la tête de l'État du Sud pendant 9 ans. En septembre 57, 9 adolescents de Little Rock ont fait front, donc, du haut de leurs 15 ans, contre des siècles de racisme et de ségrégation. Ils ont ouvert la voie à un grand mouvement d'émancipation et les portes de l'éducation à des millions de lycéens noirs américains. Le brillant Ernest Green a continué ses études à l'Université d'État du Michigan grâce à une bourse envoyée anonymement. Aujourd'hui, à côté du Capitole de l'État de l'Arkansas, trône sa statue et celle des 8 autres. Mais, État du Sud ou non, 60 ans plus tard, le chapitre ségrégation n'est pas clos. Le drapeau confédéré est toujours arboré fièrement dans certains foyers. Les hurlements des parents et lycéens blancs de 1957 devant Central High font furieusement écho à la haine des suprématistes blancs qui s'opposaient, en août 2017, il y a 2 ans, au déboulement de la statue d'un général des États confédérés à Charlottesville. Des manifestations qui ont coûté la vie à une militante pour les droits civiques, victime d'un attentat à la voiture Bélier, conduite par un militant d'extrême droite. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les neuf de Little Rock, notre invité, Thomas Snegaroff. Bonjour. Bonjour. Enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis. Vous présentez chaque jour sur France Info, Histoire d'Info, et vous êtes l'auteur de Little Rock 1957, seul ouvrage en français sur l'histoire que nous venons de raconter. Ce livre est paru en 2018 aux éditions Talendier, sorti en poche en septembre dernier, je crois. Oui. Alors, tout à l'heure, nous avons diffusé lors du premier CD la chanson Blackbird des Beatles, composée par Paul McCartney en 1968 pour l'album Blanc. On savait que c'était une chanson sur le droit des Noirs, mais c'est encore plus précis que ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous l'avons diffusé. Quelle est cette belle histoire entre Paul et ses neuf lycéens? Alors, en croire Paul lui-même, en 2016, il tourne aux États-Unis et il a une date prévue à Little Rock, capitale de l'Arkansas, que vous avez si bien dépeinte pendant le récit. Et il demande, l'après-midi du concert, à rencontrer Elizabeth Eckford, qui est la seule des neuf à être restée avec Gloria Rae, qui est revenue, mais elle est restée à Little Rock. Et il a quelque chose à lui dire. Et dans les loges, avant le concert, il lui fait une confidence que lorsqu'il avait, il a à peu près le même âge, hein, il a un an plus. Il avait 14 ans à l'époque. Voilà, à 14 ans, à Liverpool. Il entend parler, comme le reste du monde entier d'ailleurs, cette histoire. Il voit la photo que vous avez décrite d'Elizabeth et de Hazel Bryan derrière qui l'insulte. Et il en a été extrêmement impressionné. Il a le même âge qu'elle. Et quelques années plus tard, au sommet, au fête de sa gloire, que vous connaissez très bien par ailleurs en 68, il décide d'écrire cette chanson, une année en plus très chaude pour les droits civiques, hein. C'est l'année de l'assassinat de Martin Luther King. Et donc, il s'appuie sur l'histoire d'Elizabeth, il lui dit « Blackbird, c'est vous ». Et sur scène, le soir, quand il fait le concert, avant de chanter cette chanson, il explique l'importance pour lui de cette histoire, de cette chanson et de cette ville dans son histoire personnelle. Voilà, quand vous écouterez Blackbird, maintenant vous l'écouterez peut-être d'une oreille, différentes chansons sur lesquelles Paul fait tout seul d'ailleurs, soit dit au passage. Alors, ce qui marque véritablement dans cette histoire, c'est le courage dont ont fait preuve ces neuf lycéens. On rappelle que pendant un an, ils ont subi insultes et menaces de meurtre. Parfois, il n'y a pas tentative, mais je crois que j'ai dit tentative tout à l'heure, je me suis trompé, c'est menace de meurtre. Enfin, c'est déjà extrêmement traumatisant. Comment expliquer une telle force chez ces gamins? Ils ont 15 ans. Leur a dit Daisy Bates pour qu'ils soient comme ça aussi combatifs et pas apeurés? Alors d'abord, ils ont été choisis pour ça. Parce que vous avez dit qu'à la fin, effectivement, ils sont 9. Mais au départ, ils sont une centaine à faire acte de candidature au printemps précédent quand on leur dit ça y est, vous pouvez vous inscrire dans le lycée blanc de la ville. Il y en a plein qui n'osent pas le faire. Des parents qui sont inquiets, des gamins qui sont inquiets, mais il y a une centaine qui veulent le faire. Et pendant les semaines avant l'été, Virgil Blossom, donc le superintendant qui s'occupe des affaires scolaires, reçoit dans son bureau les parents et les élèves qui veulent s'inscrire. Lui, c'est un bon gars. Alors, en tout cas, c'est un bon gars. Oui, enfin, il veut appliquer la loi, quoi. Bon, c'est déjà ça. Et il veut que ça se passe bien, en tout cas, notamment pour sa carrière personnelle. Et donc, il voit les uns après les autres, et il va tenter, alors ça peut sembler ultra pervers, mais de tester leur solidité. Et par exemple, il va dire à une fille qui adore chanter, tu sais, tu ne chanteras jamais au lycée, tu ne seras pas pris dans la chorale. La fille s'effondre en sanglots et abandonne sa candidature. Et donc l'idée, c'est d'éprouver aussi ceux qui seront, d'une certaine manière, les plus durs au mal, peut-être aussi ceux qui accepteraient le plus les provocations, parce que Blossom sait très bien que les élèves blancs, pas tous, mais les élèves blancs racistes du lycée n'auront qu'une idée en tête, c'est de tester leur résistance pour les faire craquer et qu'ils soient renvoyés, en gros, pour que le préjugé de l'élève noir violent et agressif soit réalisé. Et donc on va choisir des élèves qui sont à la fois très bons élèves, parce que vous l'avez dit, il faut aussi couper court à l'idée que on ne veut pas faire entrer d'élèves noirs pour que le niveau scolaire baisse, donc on va faire entrer des très bons élèves, des élèves aussi qui acceptent qui ont un degré d'acceptation de l'insulte assez fort, et puis des élèves évidemment très courageux. Et en réduisant ainsi le prisme, on arrive à ces neuf élèves qui effectivement ont fait preuve d'un courage extraordinaire. C'est là qu'on voit que le combat contre le racisme, c'est le combat contre la bêtise crasse. Hein, ouais. Parce que penser que parce qu'il y a des élèves noirs, le niveau va baisser, c'est quand même extraordinaire. Ouais, vous croyez pas si bien dire, quand en 54, la Cour suprême a rendu son arrêt qui déségrègue, qui intègre les établissements scolaires, il a fallu prouver, par A plus B, que les élèves noirs ne sont pas plus bêtes que les autres. Et donc on a dû faire venir des psychologues, des psychosociologues, les époux Clark sont venus, vous savez, ceux qui avaient fait les expériences sur les poupées. Bref, il y a toute une série de psys qu'on appelle parce qu'il faut effectivement aller à la racine, même si la véritable racine de tout cela, c'est pas tellement l'idée qu'ils soient moins bons que les autres, c'est plutôt l'idée qu'on ne supporte pas, l'idée que des Noirs et des Blancs soient dans les mêmes classes, avec comme extrémité insupportable pour les Blancs racistes du Sud, qui est évidemment la mixité, le métissage. Et on sait d'ailleurs pour cela que l'on va commencer par les grandes classes, parce qu'on se dit, si on commence par les petites classes, Ben, les petits sont pas racistes. Et donc, les blancs vont accepter les noirs, ils vont grandir ensemble. Commençons par les lycéens, en espérant qu'au lycée, ça se passe extraordinairement mal et que pour une fois, pour toutes, on en ait fini avec cette lubie de faire aller dans les mêmes classes les blancs et les noirs. C'est l'esprit de l'époque. Alors, on pourrait parler d'apartheid, hein. Oui, oui. Même si c'est un mot africaneur qui est relié à l'Afrique du Sud, c'est bien ça, parce que enfin, chacun ses quartiers, chacun ses transports. On est dans une politique d'apartheid, ouvertement. Oui, de séparation. Oui, séparation aussi, voilà. Mais c'est pareil. Sans le désir sud-africain de créer un État pour les noirs, non, on a laissé ces mêmes pays, et on fait vivre l'illusion que les noirs et les blancs sont égaux. Oui, oui, c'est la fin de l'esclavage depuis 1865, mais ils sont séparés. Séparés mais égaux, il a donc fallu prouver devant la justice, en 54 c'est le cas, que les lycées noirs et les lycées blancs n'ont pas les mêmes qualités, n'ont pas le même confort, n'ont pas les mêmes manuels, etc., etc., pour prouver qu'il n'y avait pas d'égalité de fait entre les noirs et les blancs. Alors que sont devenus les neufs d'ailleurs, sont-ils tous en vie là aujourd'hui, est-ce que vous le savez? Oui, alors je le sais, pour les avoir rencontrés pour le livre. Il y en a un qui est décédé, mais les huit autres sont encore vivants. C'est pas une histoire très lointaine quand on y réfléchit un peu. C'est des gens qui sont nés en 1940, 1941, 1942. C'est pas des grabataires, loin de là. Et donc ils ont tous une vie très riche. Longtemps d'ailleurs, ont totalement tué cette histoire. Hein, c'est des choses qu'on connaît dans l'histoire. Leur traumatisme a fait que, par exemple, Carlotta, qui est la plus jeune de tous, que j'ai rencontrée à Little Rock pour écrire ce livre, elle me raconte qu'en fait, ses propres enfants ont découvert qu'elle faisait partie des neufs à l'école. Les neufs vont à l'école et entendent le prof d'histoire leur faire une histoire sur les neufs de Little Rock, et les gamins disent « mais c'est maman !» Tellement elle n'avait rien raconté, et aucun n'avait rien raconté. Elle a mis ça sous le boisseau, quoi. Complètement. Ça, c'est, faut dire, très traumatique. Il a fallu le 40e anniversaire en 1987 pour qu'il y ait une commémoration et qu'enfin ils puissent commencer à en parler, ce qui en dit long sur le traumatisme qu'ils ont vécu à l'époque. La photo, jeune fille noire qu'on voit sur la photo de votre livre, c'est Elisabeth. Ouais, Elisabeth Eckford. Ouais. Et vous avez, effectivement, on l'a dit aussi dans le récit, en arrière-plan, il y a deux blanches. Ouais. Qui semble. Alors, il y en a une qui a un demi-sourire, l'autre n'a pas de sourire du tout. Hein. Non, c'est Hazel Bryan. Et au moment où elle est en train de faire la photo, elle a le visage déformé par la colère. Et Will Counts, le photographe, expliquera après qu'au moment où il prend la photo, elle est en train de dire « Go back to A ». Elle ouvre la bouche, « Frica, rentre en Afrique ». Vous imaginez la violence pour une jeune fille de 15 ans? Bien sûr. Rentre en Afrique quand on sait dans quelles conditions ses ancêtres sont arrivés d'Afrique. Donc c'est une violence absolue. Cette Elisabeth, je l'ai rencontrée à Little Rock pour écrire le livre. Et quand je l'ai rencontrée, il y a eu des orages terribles ce jour-là à Little Rock. Il n'y avait pas de chauffage, pas de ventilateur dans sa maison. Il faisait 50 degrés, donc on est allé dans un motel. Et dans le motel, elle a sorti de sa poche une poche pleine de médicaments. Et donc je lui ai dit, mais Elisabeth, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Elle me dit, non, je suis un peu hypochondriaque. Et puis après, elle devient toute dure tout d'un coup. Son visage se ferme, mais elle me dit, certains de ces médicaments, je dois les prendre depuis le 4 septembre 1957. C'est la date de la photo. Vous imaginez, c'était il y a plus de 50 ans avant ça. Elle était encore 60 ans même, obligée de prendre des médicaments, des antidépresseurs. Ça en dit long du traumatisme de cette image, de cette photo. Bien sûr. Qu'est devenu, on va pas faire les neufs, on n'a pas le temps, mais qu'est devenu Ernest Green, si brillant, si prometteur? Ouais. Ben Ernest a une très belle carrière. Je l'ai aussi rencontré à Little Rock, belle carrière professionnelle. Il a été donc effectivement diplômé en sociologie. Ensuite, il a travaillé. Ils ont tous été souvent d'ailleurs des travailleurs sociaux. Lui a travaillé aussi auprès de Jimmy Carter, à l'administration, sur les questions de travail. Il a ensuite travaillé à Lehman Brothers, dans une banque. Bref, il a une vie professionnelle intéressante. Et puis juste pour l'anecdote, sur les neufs, ils vous disent tous, le Sud, on aime bien, on leur en veut pas, mais la réalité, c'est que il y en a aucun, sauf Elisabeth, qui est restée dans le Sud. Ils ont tous parti dans le Nord. Ils ont fui la région et fui l'Arkansas. Alors, le 9 novembre 1999, à la Maison Blanche, le président de l'époque, c'était Bill Clinton. Il reçoit les neufs de Little Rock pour leur remettre la médaille d'or du Congrès américain. Et voici, on va l'écouter ensemble, un extrait de son discours. Je crois que c'est la sénatrice Hutchison qui a rappelé que nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et cela coïncide très bien avec le fait que nous reconnaissions aujourd'hui ce que ces gens ont fait pour faire tomber les murs du sectarisme et des préjugés en Amérique. Quand ils ont grimpé les marches menant à l'école, un simple geste, ils sont devenus des fantassins de la liberté, transposant l'Amérique vers les hauteurs. Un commentaire déjà sur cette déclaration de Bill Clinton. Bill Clinton qui a été gouverneur de l'Arkansas, qui connaît très bien cette histoire. Bien sûr. Et pour l'anecdote, quand je rencontre Carlotta en juillet 2016, je lui dis quelque chose qu'elle ignorait. Elle adore Clinton, ils adorent tous Clinton, et je lui dis, mais vous savez Carlotta, qu'en 78, quand Clinton est devenu gouverneur de l'Arkansas, le plus jeune gouverneur de l'histoire de l'Arkansas, en signe d'unité de l'État, il a invité à la cérémonie Orval Phobus. Orval Phobus, c'est le gouverneur, c'est le méchant. C'est méchant. Et là, je peux vous dire que dans le visage de Carlotta, le sourire a disparu. Elle a imaginé la scène, et ça aussi, un peu comme les cachets que j'évoquais d'Elisabeth, ça en dit long de la profondeur du traumatisme derrière les sourires. Ce gouverneur, est-ce qu'il est représentatif d'autres gouverneurs des États du Sud à l'époque, hein, pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, George Wallace, hein, c'est qu'on a George Wallace en tête de l'Alabama c'est voisin. Vrai. C'est vrai qu'on est dans un Sud et vous avez, on a passé un extrait tout à l'heure de Phobus qui dit nous sommes un État occupé. En fait, l'expression d'État occupé. Tiens, ça rappelle quelque chose. Alors pour nous, ça nous dit quelque chose de très précis. Mais dans l'histoire américaine. Même récemment. Ouais, ça, et en tout cas, dans l'histoire américaine, ça en dit surtout après la guerre de sécession, quand le Nord militairement occupe le Sud. C'est ce qu'on appelle la reconstruction. Et ça montre à quel point cet épisode qui a 100 ans à peu près en 1957, hein, c'est 1865, reste en travers de la gorge du Sud. Et pour les sudistes, pour les gens du Sud, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, cette idée de l'occupation du Nord qui impose sa volonté au Sud, qui impose sa manière de vivre, qui impose sa pensée, qui impose ses valeurs, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et on le voit d'ailleurs dans l'épisode que nous avons raconté, c'est ce contexte-là, il y est déjà. Hein. Absolument. Il est fort. C'est hyper présent à l'époque. Vous avez évoqué il y a quelques instants, à la fin du récit, les événements récents avec le drapeau confédéré. Il y a deux ans, ouais. Je peux vous dire qu'en 1957, le drapeau confédéré, il est partout. Et dans les familles, c'est une chose encore extrêmement présente, extrêmement forte. C'est pas du folklore comme ça peut l'être aujourd'hui, même si on peut le condamner. À l'époque, c'est une chose essentielle, fondamentale, et vraiment l'idée de nous sommes occupés, ça veut vraiment dire nous poursuivons et nous revivons exactement ce qui s'est passé en 1865, sous-entendu on n'a pas fini d'être humilié par le Nord. Eisenhower, alors, Eisenhower, il prend des décisions sages. Hein, au premier degré, on se dit, ben, il est bien ce monsieur-là. Oui. Bon, enfin, les politiques sont parfois des raisons un peu cachées. Quoi. Est-ce qu'il y a des raisons cachées? Est-ce qu'il y a un vice de forme là-dedans? Alors, c'est vrai que Eisenhower, qui apparaît comme le good guy, hein, le bon à côté du méchant Orval Phobus, n'a jamais été un grand militant des droits civiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque la Cour suprême rend son arrêt, elle rend ensuite un deuxième arrêt, l'arrêt Brown 2, qui dit que finalement, les États du Sud le feront à leur rythme, au rythme qu'ils désirent. Ça plaît bien à Eisenhower qui ne veut pas brusquer les choses. Il a été très très mesuré sur la question, mais s'il envoie l'armée, c'est bien sûr pour une question peut-être morale, quoique, c'est surtout parce que il ne supporte pas ce gouverneur du Sud qui défie son autorité. Et ça, c'est insupportable pour le président des États-Unis, et il va fédéraliser d'abord la garde nationale, puis envoyer l'armée, effectivement, le 23 et le 24 septembre. C'est un geste politique extraordinairement fort. Il ne faudrait cependant pas classer Eisenhower dans les grandes voies des droits civiques. Il a plutôt été un politique, un président, qui a gouverné en fonction de ses propres prérogatives. Il a eu du courage, mais surtout, il a défendu ici le pouvoir du président des États-Unis qui était mis à mal par un gouverneur. Est-ce que l'image des États-Unis à l'étranger qui aurait pu souffrir de cette histoire a compté ou pas? Oui, ça a compté. La propagande, notamment communiste et soviétique, on entendait un des neufs qui évoquait cette question-là sur les communistes. On l'a dit aussi dans le récit. Parce que les communistes commencent à utiliser l'image. Cette photo, on la voit dans la Pravda. Vous voyez, cette image-là qu'on a évoquée ensemble, et forcément, ils s'en servent. Voilà, regardez cette patrie des libertés, c'est ça, les libertés? C'est ça, cette patrie? Et ça va pousser aussi Eisenhower à bouger, parce que c'est un moment extrêmement sensible de la guerre froide. On est à un des point culminant, on n'est pas encore en 62, mais dans les années 50, même si Staline vient de mourir, on est quand même à un moment très fort, on est à un moment de tension, c'est vraiment un des moments de la guerre froide, et tout est bon dans la propagande soviétique. Les militants des droits civiques aussi, on craint que les Noirs ne tombent du côté des communistes. Et du coup, évidemment, l'URSS a beau jeu de pousser un peu, et l'humanité en France va aussi relayer cette histoire Il souffle sur les braises. Absolument, et sur le mode. Mais en même temps, les braises sont là. Hein. Elles sont là. C'est pas une invention totale de propagande. Là, il s'agit vraiment de dire, voilà c'est quoi la réalité de ce pays qui se défend comme le pays des droits de l'homme et qui nous dépeint, nous, comme totalitaire, alors que chez nous, les femmes, les jeunes femmes, ont les mêmes droits que les hommes. L'année scolaire 1958-1959 est donc baptisée The Lost Year. Ben, ça veut dire l'année perdue. C'est assez impensable qu'un gouverneur puisse priver tous les enfants d'école en fermant. Enfin, c'est dingue. Ben, ça en dit long sur l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que le gouverneur va préférer fermer tous les établissements scolaires plutôt que d'avoir à supporter une nouvelle rentrée des classes. Des élèves étaient inscrits, et même, à part Ernest Green, tous les autres devaient faire leur rentrée des classes dans le nouvel établissement scolaire, dans les établissements scolaires à la rentrée, à Little Rock, au Central High, le même lycée. Donc il a préféré tout fermer, et puis, en fermant ces lycées, ben, en fait, il y a plein d'élèves, des pauvres, noirs comme des pauvres blancs qui vont être déscolarisés avec des conséquences graves pour certains, hein, qui vont basculer dans une forme de précarité pour la vie entière. Ça va être la conséquence de cette décision-là, une décision très lourde. Et puis Elisabeth et les autres, parce qu'ils sont maintenant très connus, vont pouvoir soit être accueillis dans des familles au-delà de l'Arkansas, soit suivre les cours par correspondance. Eux vont être diplômés de lycée, mais pas de Central High, même s'ils reviendront deux des neuf pour leur année de terminale, dont Carlotta en 1959, mais 60, pardon. Mais c'est vrai que c'est une histoire assez aberrante. Et quand on imagine un gouverneur qui préfère fermer les lycées plutôt que de les laisser ouverts au risque que des Noirs y entrent, vous imaginez la profondeur du racisme de l'époque. Est-ce que cet épisode constitue... Oui, il constitue évidemment un épisode fondateur de la lutte pour l'émancipation des Noirs. Est-ce que c'est le premier? Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un mouvement d'ensemble dont on va connaître les prolongements ensuite? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes avant les neuf qui pourraient faire office de départ? En tout cas, alors il y a des événements ailleurs, dans des plus petites villes parfois, ou d'autres États. Mais c'est vrai que cet événement a été le plus médiatisé. Il a été, et les militants le savent très bien, et c'est pour ça que Martin Luther King est là lorsque Ernest Green est diplômé, parce qu'il sait très bien que la médiatisation fait partie de l'action. Les militants des droits civiques ont compris qu'il fallait aller devant la justice et qu'il fallait aussi convaincre l'opinion publique. Et ces neufs-là sont héroïques. Il y en a une seule qui va craquer. Une seule. C'est Minnie Jean. À l'époque de Noël, donc en Noël 1957, c'est un peu celle qui peut tomber le plus dans la provocation. Et il la provoque sans cesse. Et à Noël, un mardi avant les vacances de Noël, c'est le jour du chili à la cantine. Le chili con carne, les élèves adorent ça. La cafétéria est pleine à ras-bord. Et elle se balade. Elle est coincée entre deux chaises par des élèves blancs qui reculent devant elle. Au loin, les huit la regardent et se disent mentalement « Non, ne fais pas ça, Minnie Jean ». Et Minnie Jean le fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Son plateau se penche et elle fait dégouliner le contenu de son chili dans le dos d'un élève. Blanc. Évidemment. Immédiatement, elle est renvoyée. Et dans le lycée, des petites cartes apparaissent. 9-1, plus que 8. C'était ça l'esprit. C'est pas les 10 petits nègres, mais c'est un peu ça. Il fallait les faire tomber les uns après les autres. Et si cette histoire a autant frappé l'imagination et a autant frappé l'histoire américaine, et là je réponds à votre question, c'est bien parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Les 8 autres ont tenu jusqu'au bout, malgré les menaces de mort, malgré les coups quotidiens. Parce que, bien sûr, les menaces de mort, c'est le plus impressionnant, mais imaginez-vous, Fabrice, tous les jours, vous allez au boulot et tous les jours, quelqu'un vous donne un petit coup de pied dans le tendon d'Achille. Tous les jours, vous saignez. Après les vacances, ça se cicatrise. Et puis ça recommence. Tous les jours, un élève vous fait tomber vos livres que vous avez sous les bras. Tous les jours. Et jamais vous ne répondez. Jamais. C'est ça leur courage. Et c'est en ça que leur action a pu vraiment ouvrir quelque chose, même si, je ne suis pas naïf et je sais que par la suite, ça a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Les géographes aujourd'hui racontent qu'aux États-Unis, et depuis les années 80, il y a un phénomène de reségrégation à l'école. Donc c'est un combat qu'il convient en permanence de mener. Il a été gagné dans la justice. Il est loin d'être gagné encore dans les mentalités et la culture. Qu'est-ce qui vous a touché? Ce qui vous a touché dans cette histoire, c'est tout ce que vous venez de me dire, évidemment. Mais particulièrement, peut-être quelque chose qui... Bah, c'est difficile. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est peut-être le destin d'Elisabeth. Parce que Elisabeth, on se projette un peu en elle, parce que soit on est père de famille, soit on est frère, soit c'est on figure est... de proue. Hein, ouais. C'est une personne tellement fragile qu'elle a d'ailleurs été humiliée jusqu'à la fin de sa vie. Et donc c'est elle qu'on voit en photo sur le livre, cette fameuse photo. Merci infiniment, Thomas Znegaroff. Little Rock 1957 chez 10-18 en petit format. Merci. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, les 9 de Little Rock, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.